Deux mois plus tard, Denise, n'ayant pas trouvé de travail dans les petites boutiques du quartier, décide d'aller se faire embaucher au Bonheur des Dames. Elle y réussit, grâce à Mouret, qui l'a remarqué, malgré ses allures de paysanne. Elle débute, au rayon des confections, un lundi 10 octobre, jour de l'inauguration du nouveau magasin, à l'occasion de la vente-exposition des nouveautés d'hiver. Mais, lors de cette première matinée de travail au Bonheur des Dames, Denise doit subir les railleries des autres vendeuses, Marguerite Vadon, Clara Prunaire, et de leur chef de rayon, Madame Aurélie. On se moque des souliers de Denise, de sa chevelure difficile à coiffer, et on ne laisse à Denise aucune vente importante, alors qu'elle sera payée en fonction de ses ventes. L'après-midi de ce lundi, Madame Desforges vient au Bonheur des Dames avec quelques amis présents à son thé deux jours avant. Parmi eux, notamment Paul Valagnosc, ami de jeunesse de Mouret, et Madame Marty, qui désirerait un manteau.